continue à te fortifier. Amen. Bonne nuit, frères et sœurs. Bonne nuit. Bonne nuit, mes bien-aimés. Bonne nuit. Sinalinga kina kufa ye, okango linga ye.